Hier soir, je regardais une excellente émission sur le patrimoine caché parisien en me baladant sur Facebook, lorsque tout à coup, mon mur s'est enflammé. Que se passe-t-il? Un nouvel accident d'hélicoptère programmé par TF1 en manque de buzz? Un candidat du FN qui détient prisonnier 52 Yougoslaves dans sa cave qu'il découpe en morceaux pour en faire du jarret? Valls a fait passer un 49-3 pour la peine de mort? Le canard enchaîné a reçu une bombe atomique sur le coin de la gueule? Non! Pire que ça! Je vous livre pêle-mêle les messages qui apparaissent sur mon mur. L'arbitre doit avoir peur de se faire bouler par Diego Costa, nous dit Mathieu. Quand Guillaume rétorque, Chelsea, c'est vraiment une équipe de raqueux. Jeu de mots que je n'ai d'ailleurs toujours pas compris. Mélanie nous confie, l'arbitre a toujours raison, même quand il a tort. Et Alès, jeune humoriste en herbe à scène de coup fatal, allez les rouges. Tandis que Jennifer, coupée du monde pour le moment, et pas encore au courant du drame qui frappe la patrie, dit dans une absolue naïveté, on attend Benabar, smiley. En fait, un certain Mourinho aurait parlé à un arbitre. Devant cette information incroyable et ne possédant pas le vocabulaire adéquat, j'ai donc fait une recherche. Mourinho est un entraîneur de football qui travaillerait, je ne peux le confirmer encore étant novice en ce domaine, qui travaillerait, disais-je, pour le club qui rencontrait hier le PSG. Cet entraîneur aurait donc parlé à l'arbitre qui, dans la demi-heure suivante, aurait, allez, je peux le dire, mis un carton rouge à un certain Zlatan Ibrahimovic, un joueur de l'équipe parisienne. Ce drame entachera jamais l'histoire de notre nation et il y a fort à parier que, dès aujourd'hui, le président de la République déclare le 11 mars comme une journée de deuil national.